C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Salut tout le monde. Salut. C'est Tortoli, Arbatax. Bienvenue sur Radio Panique. On vous accompagne jusqu'à 19h. Tous les mardis, 18h-19h. Sur Radio Panique. Ça va Arbatax? Ouais, impeccable, impeccable. On balance la musique de Baywatch et regarde-moi ce rayon de soleil. T'y croirais sur la plage. Ça y est, c'est le printemps. Retour à une émission plus classique après la teutonale de la semaine dernière. On va s'en faire une classique là, un peu plus tranquille. Tranquillou. Ever you feel everywhere. Ça va Pam? Oui. Ça va Mitch? Oui. Eh ben tranquillement, on se retrouve tous les mardis 18h-19h. Impeccable. Tortoli, Arbatax, Radio Panique. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Bien, bien, moi ça va. Toi t'es en train de faire la vaisselle, comment ça se passe? Non, bah moi écoute là je suis à la régie son. T'es au platine. Pépère. T'es au platine. Et j'espère que vous êtes bien installés chez vous. On est reparti pour une petite dizaine de morceaux. Des nouveautés cette semaine, hein. On a deux trois sorties d'albums là et on vous a sélectionné 2-3 morceaux. Il y aura toujours un agenda culturel à la semi-émission. Et puis voilà quoi, hein. On part sur quoi là? On va se mettre bien dès le début. On va se mettre c'est pas un classique mais bon ça fait longtemps que ça tourne dans nos têtes quand même. Ah ouais, un sacré bout de temps. C'est l'un des MC de TTC qui s'appelle Cuisy Cuise Cuisinier. Qui nous, dans une de ses, j'allais dire sextape, non mixtape. Street tape, comme il l'appelle. Qui, d'ailleurs, le nom des street tapes, ça serait pour les filles. Pour les filles, voilà. Il y a eu volume 1, volume 2 et volume 3. Je reste, moi, sur la volume 1 et la volume 2. Hein. La volume 3 me plaît un tout petit peu moins. Elle te plaît moins. C'est dit. Bon, bah, très bien. Faisons avec, on va rester sur la 1 alors. Ok. On va se mettre un petit remix de Lenny Kravitz, non? Voilà, c'est ça, Quizy Quiz, c'est ça, le principe de ces mixtapes. Quand il est en solo, Quizy Quiz, il reprend pas mal de morceaux de musique pop, hein, on va dire, musique populaire, de variété internationale. Il se la remet à sa sauce, quoi, on va dire. Elles sont remixées avec l'aide d'un DJ qui est pas méconnu. Orgasmic. Orgaga. Et puis voilà, ça donne quelquefois des trucs un petit peu bizarres. Et puis des fois ça donne des bebons, des bombes, des tueries. Et celle-là s'appelle l'enculé le plus cool de la planète. Yes. Et voilà. Et c'est un remix de Lenny Kravitz. Yes. Allez, let's go. Hey yo. Yeah. You know that shit, right? Crazy, crazy. Lenny. Taking you to Hollywood with that shit. Yo, yo, yo. Yeah. C'est l'enculé le plus cool de la planète qui débarque. Cuisinier, TTC, une fois de plus me quitter. Damn, that shit is hot. Cuisy Cuis Street Tape. Exclusive. Yo, c'est l'enculé le plus cool de la planète qui débarque. Cuisinier, TTC, une fois de plus me quitter pas. Ne coupe pas, laisse les gens kiffer derrière toi. Mon flow coule une piste noire sur de la fibre. Juste les meilleurs dans le milieu de père. En fils, on est bon. C'est dans les gènes, ça ne s'acquiert pas. On est bon, dans tout ce qu'on fait, ça s'arrête là. La voix de cuisinier est une caresse absolument fantastique dans tes oreilles. Pendant que tu vas te pavaner sous le soleil, je rends les gens gays, tout le monde m'aime. Messages à moi, ce n'est que les femelles. Tu kiffes mon son comme la fin de la semaine. J'ai fait le tour du monde. La prochaine fois c'est dans mon jet privé. Je fous la merde avant de me faire virer de l'immeuble et fais construire une ville où je peux respirer. Yo, yo, yo, yo, Crazy Quiz assure un maximum. Crazy Quiz assure un maximum. Crazy Quiz assure un maximum. Crazy Quiz assure un maximum. Toi tu termines la soirée avec une maximoche. Il y en a plus là-dedans que dans un Macintosh. Quand je rentre à la maison, c'est dans un taxi Porsche. J'ai la technique et l'appétit. J'ai dévoré la compétition. Suis légendaire comme le Yeti. En moins poilu. Mais à côté de moi t'es petit. À côté de moi t'es petit. Cuisinier, cuisinier, cuisinier, cuisinier fort. On adore, on adore. On adore, on adore. Tu n'aimes pas, dur de trouver des potes. Si tu n'aimes pas cuisiner, tu vas te faire virer de ton job. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Les gens me rendent hommage comme si je n'étais plus de ce monde. Mais si je quitte le rap, je sais juste pour une seconde. Il y a toujours un cuisinier là où les thunes se font. J'ai mis un pied dans la pièce et toutes les buts de ce monde. Cuisinier hyper cool et se jette dans la foule. T'as essayé de lui piquer sa casquette, avoue. Tu n'en as pas des comme ça, tu n'en auras jamais. Jamais rien de moi, je suis l'être parfait. Yo yo yo yo yo yo yo, bitch, rappelle-toi moi tueur. Il n'y a pas plus balèze que moi, sinon tu meurs. Je suis ce que dans le sport on appelle buteur. Tu sais maintenant pourquoi tu dois être dans l'équipe de quiz. Yeah, it ain't over. I put that on my mama. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Yes, yes. On s'enchaîne. Un petit Sharon Jones derrière, Arbatax. Es-tu chaud? Quand tu veux. Es-tu chaud? Quand tu veux, en gros. Et bien, donc, tu l'as mis où, ce CD? J'ai perdu ma cassette. Je la rembobine. Et vas-y, rembobine la cassette. On va bien le trouver, ce Sharon Jones. T'as pas envie de le mettre? Comment ça se passe? Oh, on est sur une galère. Là, on serait sur un mauvais plan, quoi. Bah vas-y, vas-y, vas-y, plan, vas-y. Attendons. Tu veux que je le mette? Tu veux que je la mette, peut-être? Écoute. Tu me fais des signes bizarres, là. T'es un peu chelou, quand même. T'es un peu chelou, quand même. Vas-y, je la mets. C'est parti. Bing! How long do I have to wait for you, honey? Yes, yes, de retour. Désolé, petit problème technique, la bande de la cassette, à mon avis, qui a un peu déraillé. Ça m'énerve, ça. Mais c'est ça, les petits insectes qui viennent dans la salle de régie, là. Puis hop, ils t'inversent les bandes, et voilà. Attends, regarde, celui-là, je l'ai pas loupé. Ah, tu l'as pas loupé, bien joué. On vient de s'écouter Sharon Jones, c'était Kung Fu Fighting, non? Non, c'était Hey, how long do I have to wait for you? Yes, et tout de suite, c'est... Et là, on part sur un Fool's Gold. Fool's Gold, des Californiens. C'est et du le brand morceau new. S'appelle Surprise Hotel. Ritmo Roro. C'est bueno ça, hein. Ça c'était tout bon ça, avec ça, c'est un son du soleil. Yes, avec le soleil qui arrive en pleine face, c'est parfait. Voilà, c'était Fool's Gold. Vous pouvez aller voir ça sur internet, il y a un clip qui est pas dégueu aussi. Ouais, avec des vieux qui jettent du coca et tout, ça dans commence comme ça. Dans une piscine avec des bebons, des chiens et tout, ouais, c'est bizarre. Ouais. C'est frais. C'est bizarre. C'est frais, c'est frais. Ok, il est disons qu'il est 18h24. Je pense que là on serait sur un petit agenda culturel de la semaine. Sérieusement? Ah ouais, je pense bien. Oh, il est 25, c'est l'agenda. Qui? L'agenda culturel. L'agenda culturel. Yes, alors. Qu'est-ce que tu Je vais commencer l'agenda culturel, t'en feras. C'est quoi l'ambiance cette semaine? Ouais, c'est quoi l'ambiance? L'ambiance, on est un peu en ambiance vénère, quoi. On est en mode. On en a ras-le-bol, quoi. Les régionales sont passées en Italie, en France. On a lâché l'affaire, quoi. Donc, moi, je vous propose une petite manif. Tranquille, Mike. Samedi 3 avril à 11h, rendez-vous. Ça se passe, rendez-vous, c'est à la base militaire de Kleinbruggel, pardon. C'est à peu près à une heure de Bruxelles. Donc, c'est une manif qui est à l'appel du collectif Bomb Spotting. Vous avez peut-être vu ces affiches. Bomb Spotting. Yeah, Bomb Spotting. Vous avez peut-être vu ces affiches. C'est avec, un dessin de Banksy. Une petite fille qui tient une bombe. C'est ça. Mais pas une bebon, hein, une bombe. À pas confondre. Non, on va pas en train de nous. Non. Donc bref, ce rendez-vous, c'est une manifestation pour dénoncer. C'est quoi? C'est contre les militaires? C'est pour, quoi? Pas du tout. C'est pour dénoncer l'emploi des bombes nucléaires ou le possible emploi des bombes nucléaires, leur utilisation. Donc on va se rendre tranquillement sur la base militaire. A priori, on est contre. Hein, a priori, on est contre. A priori. Le nucléaire, non, ça n'a rien fait de génial. Hein. Parmi nous, tu as déjà touché à du nucléaire? Des bombes, oui, des bebons, j'en ai touché, mais alors du nucléaire, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta mère t'a interdit ou... Oh là là, merde. Oh là là. On avait maman, pas si tu m'entends, bonne émission. Donc c'est une action qui se fait en simultané également en Allemagne, en France, en Italie, Turquie, Angleterre, également en Belgique. Donc il y a des rendez-vous qui sont postés un peu partout sur le territoire même. À Liège, tu peux partir de Bruxelles, tu peux partir de toute la Flandre. Il y a des bus qui sont organisés, hop, on se donne rendez-vous là-bas, on se fait une grosse manif. Il y a des petites actions plus ou moins sympathiques, des fanfares, ça va être assez bon enfant. Il y a peut-être moyen d'aller checker ça sur internet, quoi. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site, vous tapez BOM Spotting, BOMSPOTING. Là vous allez trouver assez facilement. Voilà, c'est samedi 3 avril à 11h, action BOM Spotting. J'ai une autre. Bon, si vous êtes moins dans le délire bomb spotting et dans le délire on va se mettre des bombes nucléaires et puis on va arrêter, quoi. Ok. Voilà, on peut se faire une bataille d'oreillers. Ah bah voilà. Voilà, mais pas dans le king size, pas dans mon lit, non. Non, pas non. Ce coup-ci. Oh, j'en ai marre. J'en ai déjà a priori on va se faire ça sur des pavés à l'ancienne, sur la grand place. Rendez-vous 15h. Ah ouais. Ouais. Ça va, je connais, je sais où c'est. C'est la journée internationale. De l'oreiller. De l'oreiller, très bien. The Pillow Day. Exactement. Pillow Day. Ok, donc c'est quand ça, tu me le rappelles? Donc ça serait ça m'intéresse d'aller te mettre un gros coup de coussin dans ta face. Samedi à 15h. 15h, ok. Et voilà, si vous avez envie de remettre le nez droit à Arbatax, n'hésitez pas à ramener votre oreiller. On peut ramener des traversins, tout ce qu'on veut. On peut mettre des briques dans les oreillers, on peut mettre un peu ça serait un peu mesquin, mais. Mais c'est arrivé, hein, c'est arrivé. On a, bien vu viser, des, quoi. On a vu des gens revenir de la bataille d'oreiller. D'accord. C'était pas de Tchernobyl, mais. Ils étaient pas déplumés, quoi. Ils étaient emplumés, quoi. Je t'emplumerais, moi, les oreillers. Voilà, est-ce bataille d'oreillers. Quelque chose d'autre, une autre, autrement, Wills, c'est le centre d'art contemporain de Bruxelles, situé à Forêt. C'est pas l'acteur Wills, non. Non, Wills, merci. Non, pas du tout. Wills. Félix González Torres, c'est un artiste plasticien. D'origine cubaine mais américaine qui a vécu aux États-Unis. Il y a une rétrospective de son œuvre. Ça coûte entre 4 et 8 euros. 4 si t'as emmené ta carte étudiante. 8 si tu l'as oublié. Voilà mon petit agenda. BJ, bien joué. Écoute, je te cut avec un petit son et puis on se fera mon agenda juste après. Je vais envoyer. Et si on se mettait le meilleur. Le meilleur. The very best. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas vous allez connaître très vite. C'est maintenant, ça s'appelle Heart of Warm. Come back, Africa, gentile wembala zikatere zikatere wayaka moto zikatere zikatere palingo zipando zikatere zikatere malawi moto Zimbabwe, I don't know what the boys move fast you should take it slow when we all need someone tell us when to go be back imaginary in the show all your shit shows line look in a row all your favorite books your favorite ELO Yes, I. Yes, yes, yes, de retour. De retour, les amigos. Voilà, voilà. Voilà, on va se mettre bien, une petite instru, tranquille. Pas dégueulasse. Pas dégueulasse, comme il dirait l'autre. Comme dirait l'autre. Bon, bah. Mais attends, il est quelle heure, Arbatax? Je ne sais pas, laisse-moi te dire. On serait sur un 32, quoi. 18h32. Allez, c'est mon heure. Par contre, il me semble que tu pourrais augmenter un peu ton micro. Je t'entends un peu, mon petit. Tu m'entends? Oui, je t'entends mieux. Ok. Ok, ok. C'est l'heure de l'agenda. L'agenda culturel. L'agenda culturel. Prends ça, Jean-Luc Crashman. On le fait en 160 BPM, je parle vite. Qu'est-ce que j'ai repéré cette semaine? Eh ben, j'ai vu. Ouais, on a tous vu, j'ai l'impression. Hein, sur Bruxelles, on a tous vu la programmation de Couleur Café. Tu l'as vu aussi. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se dit en ce moment sur Bruxelles et tout le monde parle de ça, quoi. Et ben voilà, autant le dire. Il y a une sacrée affiche, quoi. Hein, c'est pas dégueulasse. Couleur Café qui se déroulera le 25, 26 et 27 juin cette année, le dernier week-end de juin. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis cette année? Ils nous ont mis Damian Marley et Nas. Alors ça, c'est énorme. Qui sortent un album d'ailleurs. Je crois que c'est bientôt. C'est pour avril. Damian Marley et Nas qui font un album ensemble et qui seront à Couleur Café. Ils seront aussi accompagnés de Staff Benda Bilili qu'on a déjà eu l'occasion de passer dans l'émission avec leur album très très fort, ce groupe du Congo. Il y aura Chantel et Bukovina Orchestra qu'on a déjà eu l'occasion de passer aussi dans l'émission. Donc en fait on est ouais, on serait un peu chez Brand, calé, hein. on sera calé quoi. Ils nous annoncent Sizzla, Scapé, Wyclef Jean, Danakil. Je crois que l'affiche est énorme. Au niveau des bénévoles, je sais que vous pouvez arrêter, ils sont full. Arrêtez de gueuler. Mais par contre les places sont en vente à partir de ce soir et la programmation officielle est annoncé ce soir à 20h. Yes. Donc allez jeter un petit coup d'œil sur le site de Couleur Café ce soir. Elle est complétée. Vous aurez, ce soir, voilà, c'est ça. Elle est complétée en plus de ce que j'ai annoncé là. Vous aurez tous les autres artistes. Pas dégueulasse. Donc pas dégueulasse le Couleur Café qui nous attend au mois de juin. J'ai aussi deux petites dates. Le petit Yannis Odua qu'on a déjà passé dans l'émission, hein, avec son album là, Cool Higher. Cool Higher. Je crois qu'il est toujours sur cet album. Il n'en a pas fait de nouveau, mais il tweet. C'est ça le dernier. Ouais, il me semble que c'était Hit. Ah, Cool Higher, ouais. C'est quoi? C'est un morceau de l'album ou c'est ça l'album serait d'avant? On serait plutôt sur un mot que tu viens d'inventer là. Bah, j'en ai un par semaine donc. Voilà, donc aujourd'hui, pour vous, public, ça serait Cool Higher. Cool Higher. Cool Higher en un mot. You know what I mean? Cool Higher, man. Ok, et bah écoute, en parlant de reggae justement, on a donc Yannis Odua qui passera le 10 avril au Biberium. J'avais jamais foutu les pieds, mais apparemment c'est à côté de la gare centrale. T'es un gros bip toi. Hein. Tu vas pas un peu trop au Biberian? Ce sera 10€ et c'est Exodus Productions qui organise cette soirée. Donc Yannis Odua qui sera accompagné de Sound System et d'autres petits artistes de ci, de là. Et puis les Gladiators, ça c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après aussi. Hein. C'est le 11 avril, hein, le lendemain de Yannis Odua. Les Gladiators qui passent au VK. Bon, les Gladiators, on a déjà sûrement tous, on les a déjà tous vus au moins une fois. Mais si jamais t'as peu l'occasion, bah écoute, va les voir au VK. C'est pas dégueulasse. Voilà, c'est ce petit papy là. Ces petits petits stick à bouche, on a tous. Voilà. Qu'est-ce qu'on bah voilà, j'arrête mon agenda culturel. Non, mais il est déjà... bien, c'est bien d'annoncer les dates 15 jours avant. Mais non, mais voilà, si bon. Jamais tu veux appeler tes amis, lancer un message sur Facebook ou je sais pas quoi, tu te fais plaisir, c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Bien sûr, mais pardon. Voilà, voilou. Et parlant de Wax Taylor, tiens, justement qui sera à Couleur Café, moi je balancerai bien un petit Couleur Café. Peut-être, pourquoi pas, on le fera une fois, mais là ça va être Wax Taylor. Attends, mais c'est quoi cette expression couleur café là? Ouais, non, on serait sur une. Chers auditeurs, vous avez pas la chorégraphie, mais je crois qu'il y en a un qui imagine très bien ce qu'on est en train de faire là, couleur café. Ça bouge les bras et tout, vas-y que je te. Alors, Wax Taylor, il a sorti un album il y a quelques mois. Ouais. Il était passé au Bota à cette occasion et son album est vraiment bien. Vraiment vraiment bien et toujours dans la même lignée qui mélange plusieurs styles et qui reste quand même toujours un petit peu hip hop et qui a des featuring excellents. On vous propose Wax Taylor, Positively Inclined, et on passera un petit rossé après. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Big Wax Taylor. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Now with the rounds positively inclined. The tail of the racks got the tracks that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Sit back and recline. Sit back and recline. Yo, it's the WA. X to the Taylor. Combined with the crew that brought you cosmic play. State of mind. And we came to invade ya. Save for the raiders of mics across faders on a waiter. The neighboring nation craving the taste of this great innovation. Pain termination with the brain stimulation. And raising the stakes with the naked sensations. Inspiration. Put the wax on the table. Insulation. Bounce right round a cable. Intonation. Treble basin. Devil chaser with the rebel nation. Heavy crates and the rhyme books near me. Mind's gone weary but the lines come clearly. Einstein's theory. Answer to your queries. We equal MC squared. Can you hear me? A state of mind. Funky with the rhymes are positively inclined. The tail of the racks got the tracks that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Sit back and recline. Sit back and recline. And I'm the G-R-E, E to the N. Me with the pen, read for beats and words to increase them. And soul's been sold. Slow your roll, don't fold your scrolls. And that gold you hold ain't shit if you don't know. Your own motivation, race it to the console. Insert a turn of phrase, last word, law six, initiate. Now shift focus, crowd shit smokers. Loud hip hocus, focus through the dopest and I hope this. Quote sets, note this. Console blows and it's just too much to cope with. It's hopeless. Oh shit, now the ropes rip. Over the microphone cord, oh lord. The samurai sword, all aboard. And swarm the stores like some Mongol hordes. Cause it's F to the U and K to the Y. The P to the O, E, T and I fly. The way that we flow on mics is sky high. Keeping no seats free and not a single eye dry. Yeah, a state of mind. Funky with the rhymes are positively inclined. The tail of the racks got the tracks that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Sit back and recline. Sit back and recline. Development arresting. Yeah, enveloped in the session. Yeah, keep it mellow, no aggression. Making it fresh like a Tribe Called Quest. Cause we dwelling on this section. Uh-huh. And if you're swell headed and stressing, then leave them fellas in recession. Fate says go away, yo. Come to the show and check the ASM flowing. And now out. You know, a state of mind. Funky with the rounds are positively inclined. The tail of the wax got the tracks that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Yeah, that's right. A state of mind. Funky with the rounds are positively inclined. The tail of the wax got the tracks that's refined. Space and time. Bends the bass in line. Tortoli et Arbatax tous les mardis de 18h à 19h sur Radio Panique. Coup d'œil à la sauvette pour pas trop reconnaître les taches de café qui résident dans les bas-fonds de ma moquette. La chambre agresse ma rétine, le rêve s'envole en solex. On fume l'air qui se dessine sous le coup d'œil obsolète. Mon estomac est poète face au cerveau englouti, alourdissant le sol soumis à mes paupières engourdies. La platine tourne en roue libre, cherche le bon outil, me tambourine, me demande un son cool qui pantouflit. J'ai la galette en vinyle incrustée dans l'attirail de ces disques que je chine assez loin pour voir la muraille. Une ouverture d'esprit sur tellement de styles de zik que les esprits se brise sur chaque écoute prise de risque. C'est un voyage comme on n'a pas idée. Non, comprend qui comprend, mais qui comprend comprend l'humanité. Même l'horizon jalouse mes limites qui fondent et l'étendue sensorielle de la rencontre des mondes. Tous tes kilomètres font juste percer. Tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilométrage c'est pour la surface. Voici le carnet de voyage d'en être sur place. Tous tes kilomètres font juste percer. Tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilométrage c'est pour la surface. Voici le carnet de voyage d'en être sur place. Si les problèmes du quotidien se noient dans le vide, c'est qu'ils sont en bois et mon monde en temps de scie. Ton monde réel n'est qu'un gouffre d'ennuyeuses gamelles face aux pages que j'ouvre qui s'écartèlent sans repli. Mes livres sont ma pec, mon cartel et les idées bastonnent. Si bien que si je les ferme, ils disent que je déballonne. Esprit tellement élargi par des questions formelles. Comment aider Yakari à civiliser John Wayne? Les mondes me bousculent, c'est ce qui sent gravitation. L'art a pris tant d'avance sur la montagne. Imaginaire invente que la vérité récupère et nous emmène à la lisière de nos futures actions. C'est un voyage comme on n'a pas idée. Non, comprend qui comprend, mais qui comprend comprend l'humanité. Même l'horizon jalouse mes limites qui fondent et l'étendue sensorielle de la rencontre des mondes. Tous tes kilomètres font juste percer. Tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilométrage c'est pour la surface. Voici le carnet de voyage d'en être sur place. Tous tes kilomètres font juste percer. Tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilométrage c'est pour la surface. Voici le carnet de voyage d'en être sur place. Le monde extérieur n'est pas si riche. Il ne fait que s'inspirer, s'imbriquer, s'impliquer. C'est pas qu'il triche, mais comment veux-tu que le quotidien m'aguiche quand mes rêves s'illuminent d'un univers trop grand pour les affiches. Les temps anciens au nouveau, c'est le monde que je colocationne. Dans ma chambre s'il me passionne, que la mode ne me pardonne. J'ai par contre un horizon de taille qui m'évasionne. Car il se rationne du portail que mes quatre murs plafonnent. Loin des soucis beuglants, que tous vos récits bégayent. Loin de ce monde et de ces temps, que les aigus déblayent. Loin des endroits décevants, appelés monts et merveilles. Jugés par des prunelles, encore trop centrés sur les semelles. C'est un voyage comme on n'a pas idée. Non, comprend qui comprend, mais qui comprend, comprend l'humanité. Même l'horizon jalouse les limites qui fondent et l'étendue sensorielle de la rencontre des mondes. Tous tes kilomètres font juste percer. Tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilométrage c'est pour la surface. Voici le carnet de voyage d'en être sur place. Tous tes kilomètres t'ont juste percé. Tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilométrage c'est pour la surface. Voici le carnet de voyage d'en être sur place. Yes. Yeah. De retour sur Tortoli Arbatax. Erratum, mea culpa. Arbatax a annoncé que le Wax Taylor c'était sur le dernier album, c'est faux. On a passé un morceau de l'ancien album. C'était quoi? Open Sorrow. C'était Open Sorrow. Open Sorrow, c'est ça. Mais c'est ça, ça. Ça tous les auditeurs l'ont remarqué. Hein. Toi-même, toi auditeur, va écouter le dernier. Il est excellent, il est excellent. Ouais, il est excellent, ouais. Ah ouais, non mais tu si, chacun si, c'est tu es peut-être c'est une affaire de goût. D'accord, très bien. Très bien. Mais bon, faire des featuring avec Charlie Winston. Exact, exact. Non merci. Exact. Voilà, tu sais ce que j'en pense. Exact. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ouais, j'ai une information de dernière minute en direct. Il y a une grosse soirée reggae sur Nantes ce week-end. Ah, panique en France, qui s'appelle Dubstation. Vous pouvez aller voir sur internet cette soirée. C'est vendredi. Il y aura Biga. Biga, un artiste qui monte. Tourangeau. Ouais, Tourangeau, un artiste qui monte. Biga, la Gabi. Il est excellent. Il y aura sûrement d'autres mondes, mais je suis pas au courant. Allez voir sur internet. Et je crois qu'il y a des Bruxellois qui se déplacent et qui organisent le trajet de Bruxelles. J'ai oublié. Un départ en bus, apparemment. Voilà, c'est sûrement ou en minibus, ou en trottinette, je ne sais pas. En vélo. Et voilà. Allez vous renseigner sur Dubstation. Il y aura peut-être aussi d'autres éditions de cette soirée. De la première, c'est vendredi. Alors on passe, là je vois que c'est un petit Natas Ja qui s'annonce. Natas Ja, ça c'est cette queen du reggae, hein. Ah mais franchement, la queen du reggae. Non mais il y en a qui seront d'accord avec moi. Natas Ja, cette danoise qui a été plus ou moins la seule reggae woman à être reconnue en Jamaïque, vraiment reconnue et respectée. Elle a gagné des contests là-bas. C'était vraiment après un ou deux albums. C'était vraiment l'étoile montante. Elle avait vraiment une grosse carrière devant elle. Les gars l'appelaient Shooting Star, l'étoile filante. Oui, mais voilà. Malheureusement, voilà. Natas Ja est décédée il y a 2 ou 3 ans, je crois, je suis pas sûr, mais dans un accident de voiture en Jamaïque. Voilà, super dommage parce que moi je kiffais à mort. Toi, t'étais sur un coup apparemment en plus. Ah ouais, t'étais pas très loin. J'avais pas le 06 ou le 04, mais on y. Ouais, y avait... T'étais pas loin apparemment. Et voilà, Natas Ja, elle est danoise. Vous pouvez toujours écouter ses albums. Ses albums. Il y en a un qui s'appelle Release. Et là, on a choisi de vous passer juste l'intro parce que l'intro est plus ou moins a cappella avec un featuring avec Zaki derrière. Zaki, voilà. S'appelle le beatboxer. Et écoutez ce que ça donne. C'est 1 minute. C'était l'intro de l'album et ça vous laisse imaginer le flow de la nana. Et je crois qu'on dédicacera ce morceau juste après. On verra bien. On aura peut-être une petite surprise juste après ce morceau, quoi. Une définition. Petit big up. Allez, Natas Ja. Coming to your life. I wanna make me happy, I wanna make me so sweet. I wanna bring the party into my life and I make that complete. I wanna make me dance and whine, I wanna make me bubble and shine. I wanna make me talk, non-just time off a time. I wanna move the deaf and the blind, I wanna take the lid off me mind. I wanna make me bump my phone, shall I miss the ones who do another time. I wanna get the crowd aroused and I mess them a short select a rewind. Like I see the pattern, but it's me a boss and a rick. Sicky sack him, I pull up the tricks, all the music kick. Every day a new lick, love all the rhythm of the agon bake. Everybody need it, them must have a hit. And I do anything for you, land to the fix. Heal me with it, give me the latest shit. Give me my life, give me my music, make me feel good when me gone sick. You're the king of medicine, yo, yo. Out of music, yo. Out of healing, give me life meaning. So I go, may I go spread some healing pan, ya. Just release. Dire ouais, que celle-là. Non mais sérieux, Jules, sérieux, Jules, celle-là. Tu l'as observé comment? Sérieux, Muriel, je sais pas comment elle s'appelle. Regarde-moi. Tu l'as observé comment? Celle-là, physiologiquement, elle était parfaite. Bah, c'est normal, mais voilà, c'était peut-être par rapport à Jean, voilà. Non mais attends, les gars, j'ai 2 places dans mon camion et puis j'ai une chauffeuse. Elle l'a dit, mec, je l'invente pas de moi-même, elle l'a dit. J'ai une chauffeuse. Attends, son camion. C'était par empathie, et puis voilà. Par empathie, non mais vas-y. Surveille tes mots, mec. Surveille tes mots. Vas-y, casse-toi. Elle t'a dit comment? Vas-y, elle t'a dit comment? Comment? T'as dit comment? Physiologiquement. Physiologiquement. Le mélange de la psychiatrie et du corps. Et du corps. Énorme. Big. Mec, la phrase la plus ouf. Mais non, mais c'est ça en plus, la physiologie. Non, mais mec, je l'ai jamais appris ça. Je l'ai. Ben voilà, t'as jamais appris ça. Hey. Hein, tu connais? Bah, tu connais pas. Papou et ses définitions, il est énorme. Exact, c'était la petite définition physiologiquement. Cherchez sur Wikipédia, il y aura peut-être un petit topic un peu sur ce thème-là, quoi. Mais Papou, tu nous en refais, mais quand tu veux, des vidéos comme ça, mais. Physiologiquement, après cette définition, on se mettrait un petit croqueur. Hey, voilà, on arrive sur la fin de l'émission, on balance les derniers morceaux. Là, on envoie la sauce. Les deux DJ italiens de Milano. Il s'appelle Crookers. Lombardia, les Crookers. Voilà, ça déboîte en ce moment. DJ Fry et DJ BOT Bot. Exactement, ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Tons of Friend, un truc comme ça. Correct. Là, le featuring qu'on vous passe, il est un peu spécial. Autant on n'aurait pas osé la passer toute seule parce que elle est un peu relou, elle parle dans le vent, elle ressemble à rien. Les mecs ont choisi de faire poser au mic Yel, attention, ouais. Wiki aurait dit Yel dans Tortoli Arab Attacks. Oui, qui? Je sais pas, par Wikipédia, exactement. Mais voilà, Yel, tu nous le feras à cappella ou c'est même pas la peine? Non, je vais pas vous le faire. C'était elle qui faisait à cause des garçons. À cause des garçons. Qui avait un peu saucé cuisinier, etc. Enfin voilà. Waouh, elle avait saucé cuisinier, alors du coup on l'aime pas. Hein. Donc, bah, si, on l'aime bien quand même, mais bon, voilà, maintenant. Tu saoules. tu saoules, tu dégages, Yel. Bon, les mecs, ils ont fait un pari, ils ont pris Yel. Le morceau est plutôt pas mal. Ouais, plutôt pas mal. Limite, on a l'impression d'être sur une petite musique militaire. Hein. Exact. Bien cadencé, bien cadencé. On a l'impression, ouais. D'ailleurs, si vous allez à la base militaire de Klein Bogle samedi, vous pouvez y aller avec ça. Dans les oreilles. Dans exact, les oreilles. Exact. Ça vous mettra bien. Et ils ont pas que Yel hein, sur l'album. Là, on en parle parce que c'est vraiment, vraiment bien comme album. Crooker, s'ils font sur leur album, ils ont aussi Kellis, ils ont Kid Cudi, Will.i.am des Black Eyed Peas, Spank Rock, Major Lazer. Ils sortent un gros opus qui s'appelle Tons of Friends. Écoutez ce morceau avec Yel. Et juste derrière, on est sur une nouveauté aussi. On passera Le Peuple de l'Herbe et un morceau de leur nouvel album qui Tilt. S'appelle Tilt, exact. Exact. Et le morceau s'appelle Look Up. Look Up avec les deux MC avec qui ils ont l'habitude de tourner. Mais là, les deux sont sur le même morceau. Ça s'appelle. Tortoli. Ouais, il s'appelle JC001. Exact, l'anglais. Et l'autre, il s'appelle Sirjean. Sirjean qui était également le chanteur de Meite Show. Exact, voilà. Donc ça fait une bonne dizaine d'années déjà qu'ils tournent tous ensemble, là, les Lascars de Lyon, de la Soupa Dop, après c'est Cube, ça. Après. Comment ils s'appelaient leur ancien album? PH001, c'est plus. Je ne sais plus. Ils ont fait Cube et après ils ont fait Radio Blood Money. Et là, c'est le tout dernier, Tilt, qui a une pochette dégueulasse. Dégueulasse, voilà. Moi je l'aime pas du tout, là, avec un flipper, là, il y a un design. Je sais pas qui leur a fait ça, apparemment c'est un mec de Lyon, un de leurs potes. Sûrement un enfant. Dégueulasse, mais bon. Un enfant de 13 ans. Le son reste plutôt pas mal, plus rock que d'habitude. Hein. Ils ont laissé un petit peu le dub de côté, ils sont partis dans un le rock. Un peu plus rock, ouais, exactement. Écoutez, à vous de tester, on balance donc Crookers et Le Peuple de l'Herbe, c'est le duo, c'est parti. Shoulders, we don't care if you're older. I'll sing you. physiologiquement quand même, Yel. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Le peuple de l'air. Yes, yes, yes. Digital Babylon got his kiss all around. They may say every night and every day, a little more liberty literally slipping away. Now sit down, don't bother to make a sound, cause every day we're losing ground. Follow the border, swallowing each other, for your own sake, but then it's all on the recorder. Wealthy can pay, they may stay, we are the ones that are getting sent away. You'll never walk alone with a mobile phone, and they're tracking you back to a particular zone. Racing to trace your face to space and time, tying your face to an unknown crime. In 1984, so last year, now CCTV cannot so smell and hear. A drop of DNA that's dripping a long way. Now we shall all listen on to everything you say. Look up, they know where you've been. Look up, they know what you've seen. Look up, they know your routine. Look up, look up, look up, they know where you've been. Look up, they know what you've seen. Look up, they know your routine. Look up, it's on screen. The new BlackBerry for President Obama, cause they all know what you texted last summer. I can't remember what I texted last year. Apparently the data's all there. Bail transaction, seen or unseen, all the withdrawal from the cash machine. Every program you ever punched in, every password and every dump in. Every upgrade that you ever got fitted, and any file that you ever transmitted. No deletes, complete the record stored. Hard drive survived, just asking for fraud. Walk toward mail, hid your ID, erase your Facebook and leak your identity. Not the CIA, but an angry ex. Just goes to show you never know who's next. Look up, they know where you've been. Look up, they know what you've seen. Look up, they know your routine. Look up, look up, look up, they know where you've been. Look up, they know what you've seen. Look up, they know your routine. Look up, it's on screen. For your score in the store, like much, much more. It's a record of all you bought and what you paid for. Where, when, why, whatever. It's only about a book I'm buying. How clever. What music do you play? What kind of style? Fill in the form and we can find it on file. What's the color of the crowd? Not so sure that a license is allowed. Undecided if a permit's pending. Or what kind of people are found to be attending? You were a view of the crew before the board. And we've explained, it's for the record. They may say, every night and every day, a little more liberty, literally sleeping away. Sit down, don't bother to make a sound, cause every day we're losing ground. Look up, they know where you've been. Look up, they know what you've seen. Look up, they know your routine. Look up, they know where you've been. Look up, they know what you've seen. Look up, they know your routine. Look up, it's on screen. Look up, what do you say? Look up, you better watch that. Look up, they're watching you every time. Cut away the butter, every single time. Cut away the butter, cut away the butter. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Mais bien sûr, c'est formidable. C'est formidable. C'était le peuple de l'herbe. Le titre, c'était Look Up. Et sur le nouvel album Tilt. Voilà. Exact, exact. Dites-moi, il est 19h là. J'entends les cloches là, comme d'habitude, qui sonnent. T'entends? C'est vrai. Ici à Saint-Josse, les cloches sonnent. Ici. Il n'y a pas que les cloches d'ailleurs apparemment. Voilà, bah écoutez, merci à vous. Nous, ça nous a fait plaisir encore une fois de présenter cette émission et de balancer quelques morceaux. Quelques boom tunes. Émission artisanale, hein, bien sûr, on fait toujours quelques erreurs, mais bon, tout ça c'est brassé à la maison. C'est brassé à la maison, comme la brasserie artisanale, voilà. Artisanale. Bonne vanne pour finir, c'est nickel. Dites-moi, si vous avez n'importe commentaire des morceaux que vous aimez, que vous voudriez qu'on passe ou quoi que ce soit, allez faire un tour sur le Facebook Tortoli et Herbatax. Maintenant on a une page et on a même je sais pas une petite dizaine d'amis, donc ouais et il y aurait n'hésitez pas à vous rajouter à ces amis et à lâcher des comments sur les morceaux qu'on a passés, si vous voulez qu'on en passe d'autres, si vous avez des critiques sur les albums, si vous avez des concerts à annoncer. Balancez sur le Facebook ou par mail à tortoliherbatax@gmail.com. Tortoli et Herbatax, vous trouverez l'orthographe sur Wikipédia ou n'importe quoi. Hein, voilà, et si vous voulez retrouver les playlists et les artistes et le nom des morceaux qu'on a passés, vous allez sur le site de Radio Panique et logiquement, c'est plus ou moins fait dans les 24 heures. Bon, ça dépend de l'état de forme de Tortoli. Ça dépend du mardi soir en fait. Comment mais la ça playlist est normalement sur le site de Radio Panique aussi chaque semaine. Yes, on serait aussi sur une histoire de podcast bientôt. Donc checkez vos mails, vos Facebook, vos n'importe quoi, vos pigeons. Sur les ondes et sur la toile alors. Voilà, très bien. Donc là, on se finirait par un, comme toutes les semaines, un classique, le classique de la semaine. Le classique de la semaine, bien sûr. Pour se reposer les oreilles un petit peu, toujours. Yes. Les sons de la source. Et là, cette semaine, ça nous vient d'une jeune femme qui porte deux prénoms. C'est marrant, c'est les deux prénoms de nos meufs. Toi, c'est. Simone. Nimone et moi, c'est Sina. Sina. Sina. Voilà, Nina et là, Simone. Si on remet dans le contexte, c'est Nina Simone, chanteuse américaine, qui sur la feu d'ailleurs, elle est décédée en 2003, Nina Simone, mais c'était une grande dame de la musique chanson. Et du jazz et de la soul américaine, qui a d'ailleurs vécu les dernières années de sa vie en Europe, notamment en Belgique et dans le sud de la France, puisqu'elle était un petit peu dégoûtée de la Belgique, de toute façon, c'est un peu le sud de la France. La condition des Noirs aux États-Unis, elle est partie quand il y a eu tous ces mouvements noirs américains, les mouvements Malcolm X, Martin Luther, il y a eu des grandes idées qui ont été lancées. Finalement, on sait ce que ça a donné. Elle a bien kiffé les idées et voilà. S'est barrée en Europe. Elle s'est barrée en Europe. Elle a bien kiffé. En Europe et en Afrique aussi. Et là, on balance. Donc là, le titre, c'est le morceau. Sinnerman. C'était dans. C'était, je crois, la BO de Thomas Crown, un film de merde avec Pierce Brosnan. Voilà. Exactement. Souviens-toi ton dimanche soir. Voilà, et Nina Simone. Ce titre, qui nous fait plaisir de reprendre. Voilà, ce titre, c'est une musique populaire américaine à la base. Hein, c'est une chanson populaire et elle le reprend. C'est un de ses plus grands morceaux. Et il va durer 10 minutes si jamais l'émission d'après n'arrive pas. Voilà. C'est nous ce qu'on souhaite. Juste hein, histoire qu'on laisse les 10 minutes de Nina Simone. Juste le titre, enfin la musique, ça a été repris aussi par Abdelmalik qui avait voilà, repris ce sur Gibraltar. Vous connaissez peut-être, vous allez peut-être reconnaître la production, la musique derrière. BJ Tortoli, c'est exactement ça. Voilà, faisons des petites interventions musicales pointues. Oui, on a le Velux qui sera en train de partir. On serait sur un orage avec des petits nuages noirs qui nous arriveront en pleine face, donc on va rendre l'antenne. Hein. C'est pas grave, ce soir on est devant le foot. C'est Apocalypse. C'est Champions League ce soir. Balance, il y a des nuages qui arrivent dans ciao. Yes, ciao. Ciao. Oh cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, down. All on that day. Don't you see it? de retour avec un peu de retard. On avait une grande manifestation à gérer la semaine passée et donc c'est la voix étudiante. Je suis certain qu'on vous a manqué, donc c'est Harris et Nick. Bienvenue à tous, et vos oreilles sont propres, c'est formidable. Voilà, donc c'est la voix étudiante, l'émission radio de la Fédération des étudiants francophones. Après une petite absence, parce qu'on avait une grande mobilisation dont on va vous parler aujourd'hui, qui est un peu notre premier sujet, donc c'est... Sauvez Wendy ! Teletubbies. Donc effectivement, donc au sujet d'aujourd'hui, donc fatalement, il y a évidemment Sauvé Wendy. Il y a également, on n'était pas les seuls en fait à mobiliser le 24 mars. Il y avait également nos amis du CEF, donc du Comité des élèves francophones, qui étaient là. Alors en troisième sujet, on a tout ce qui concerne les élections étudiantes, et donc on a des informations qui viennent de nous parvenir déjà qu'on peut vous donner en primeur, qui est que le taux de vote au niveau de l'ULG est de 21%, était de 21% à 18h. Bravo. Et enfin, on vous parlera également d'emploi et particulièrement de job étudiant, parce que, et certainement aussi du taux de chômage qui est alarmant pour l'instant. Et ouais, donc c'était Goran, comme toujours, avec Kalashnikov, c'était notre petit truc de rentrée, hein, donc hala. Et donc la voix étudiante, pour ceux qui viennent de s'accrocher, hein, donc c'est l'émission de radio de la Fédération des étudiants francophones. Vous pouvez trouver tout sur la Fédération dans le 3fff.be. Et donc voilà, c'est Harris, donc moi, et Nick de l'autre côté. Et donc nous allons nous lancer avec Wendy, Nick. Wendy, la petite étudiante qui paye logement et bien plus encore. Et bien effectivement, on était 1200 dans les rues mercredi passé pour justement sauver Wendy, qui était donc évidemment la campagne, qui est d'ailleurs toujours la campagne de la Fédération des étudiants francophones. Et voilà, donc je disais 1200 personnes dans les rues en provenance, mais de différents lieux. Donc il y avait des gens de Liège, il y avait des étudiants de Namur, des étudiants de Mons, des étudiants de Tournai, des étudiants de Charleroi. Et évidemment des étudiants de Bruxelles. Alors, on était effectivement donc simplement le. Enfin, je pense que ça fait très longtemps, au moins depuis la manifestation Respect, qu'on n'a pas été aussi nombreux. Ça, c'est effectivement la manifestation Respect, on était beaucoup plus, mais surtout venant de autant de régions de la communauté française. C'est vraiment encore impressionnant de voir tous ces gens de différents conseils étudiants et des différents établissements s'est mobilisé. C'était vraiment très très bien. C'était émouvant, j'ai une petite larme. Ce qu'on voit d'ailleurs sur les photos sur Facebook, on voit Harris qui pleure parce qu'il a son essuie avec lui. Voilà. Et son essuie était à tordre après la manifestation. Alors, il faut rappeler que mais le contexte en fait de cette mobilisation, c'était pas un contexte facile, dans le sens où on est dans un contexte qui est relativement négatif, dans le sens où partout on l'entend dans les médias, je veux dire, il y a une crise économique qui a lieu. On l'entend également, donc toutes les voix patronales au niveau des médias disent que la crise est passée, que la crise est derrière nous, et on constate, et ça on le constatera en fin d'émission aussi, que la crise pour les gens qui travaillent ne fait que commencer, à en croire le taux d'emploi. Et donc ça c'est un premier élément de contexte, et deuxième élément, il faut pas oublier que au niveau de la Fédération des étudiants francophones, c'est pas comme si on subissait d'énormes attaques pour le moment. Ouais, c'est effectivement une phase calme, on peut dire, même si en coulisses il y a tout un bordel qui est en train de se tramer. Jean-Claude, on sait très bien,